Place ton attention maintenant sur toutes les parties de ton corps qui sont en contact avec un objet extérieur, tel que le sol, ta chaise ou ton lit. On va maintenant procéder au balayage corporel. Quand tu places ton attention sur une partie de ton corps, essaye d'imaginer une lumière magique à cet endroit de ton corps qui vient relâcher toute tension et t'apporte du bien-être. Commence par placer toute ton attention sur la plante de tes pieds. Essaye maintenant de remonter ton attention vers tes talons. Le haut de tes pieds. Tes chevilles. Tes mollets, tes tibias, tes genoux. Tes cuisses, tes fesses, tes organes génitaux. Ton ventre, le bas de ton dos, le haut de ton dos, ton plexus solaire, ta poitrine, ton cœur, tes épaules, tes biceps, tes avant-bras. tes mains et ressens à quel point tes mains vibrent. Maintenant, place ton attention sur ta gorge. Ton cou. Ta bouche. Tes joues, tes yeux, ton front. Le sommet de ton crâne, et enfin l'espace juste au-dessus de ta tête. Et maintenant, on va redescendre jusqu'aux pieds, mais plus rapidement, en gardant en tête cette image de cette lumière bienveillante, et en commençant par le sommet de ton crâne, ton front, tes yeux, tes joues. Ta bouche, ta gorge, tes mains, tes avant-bras, tes biceps. Tes épaules, ton cœur, ta poitrine, ton plexus solaire, le haut de ton dos. Le bas de ton dos, ton ventre, tes organes génitaux, tes fesses, tes cuisses. Tes genoux, tes tibias, tes mollets, tes chevilles, le haut de tes pieds, tes talons. Et enfin, la plante de tes pieds. avant de terminer la méditation, encore une fois, essaye de ressentir ton humeur du moment, comme si tu inspectais tes émotions de l'extérieur. Et quand tu seras prêt, tu pourras progressivement sortir de la méditation et doucement prendre conscience de tout ce qui t'entoure, tels que les bruits ambiants, le poids de tes vêtements sur ton corps et bien sûr toutes les couleurs autour de toi. Essaye de garder la sensation de calme et de sérénité que tu as pu ressentir pendant cette méditation le plus longtemps possible une fois que la méditation sera terminée. J'espère que cette méditation t'a été apaisante. À bientôt.